Chapitre 7. Troisième révolution, la plèbe entre dans la cité. Premièrement, histoire générale de cette révolution. Les changements qui s'étaient opérés à la longue dans la constitution de la famille en amenèrent d'autres dans la constitution de la cité. L'ancienne famille aristocratique et sacerdotale se trouvait affaiblie. Le droit d'aînesse ayant disparu, elle avait perdu son unité et sa vigueur. Les clients s'étaient pour la plupart affranchis. Elle avait perdu la plus grande partie de ses sujets. Les hommes de la classe inférieure n'étaient plus répartis dans les gentes. Vivant en dehors d'elle, ils formèrent entre eux un corps. Par là, la cité changea d'aspect. Au lieu qu'elle avait été précédemment un assemblage faiblement lié d'autant de petits états qu'il y avait de familles, l'union se fit. D'une part entre les membres patriciens des gentes, de l'autre entre les hommes de rang inférieur. Ce ne fut plus, comme dans l'époque précédente, une lutte obscure dans chaque famille, ce fut dans chaque ville une guerre ouverte. Des deux classes, l'une voulait que la constitution religieuse de la cité fût maintenue, et que le gouvernement, comme le sacerdoce, restât dans les mains des familles sacrées. L'autre voulait briser les vieilles barrières qui la plaçait en dehors du droit, de la religion et de la société politique. Dans la première partie de la lutte, l'avantage était à l'aristocratie de naissance. À la vérité, elle n'avait plus ses anciens sujets, et sa force matérielle était tombée. Mais il lui restait le prestige de sa religion, son organisation régulière, son habitude du commandement, ses traditions, son orgueil héréditaire. Elle ne doutait pas de son droit. En se défendant, elle croyait défendre la religion. Le peuple n'avait pour lui que son grand nombre. Il était gêné par une habitude de respect dont il ne lui était pas facile de se défaire. D'ailleurs, il n'avait pas de chef. Tout principe d'organisation lui manquait. Il était, à l'origine, une multitude sans lien, plutôt qu'un corps bien constitué et vigoureux. Si nous nous rappelons que les hommes n'avaient pas trouvé d'autres principes d'association que la religion héréditaire des familles, et qu'il n'avait pas l'idée d'une autorité qui ne dérivât pas du culte, nous comprendrons aisément que cette plèbe, qui était en dehors du culte et de la religion, n'ait pas pu former d'abord une société régulière, et qu'il lui ait fallu beaucoup de temps pour trouver en elle les éléments d'une discipline et les règles d'un gouvernement. Cette classe inférieure, dans sa faiblesse, ne vit pas d'abord d'autre moyen de combattre l'aristocratie que de lui opposer la monarchie. Dans les villes où la classe populaire était déjà formée, au temps des anciens rois, elle les soutint de toute la force dont elle disposait et les encouragea à augmenter leur pouvoir. À Rome, elle exigea le rétablissement de la royauté après Romulus. Elle fit nommer Hostilius. Elle fit roi Tarquin d'Ancien. Elle aima Servius et elle regretta Tarquin le Superbe. Lorsque les rois eurent été partout vaincus et que l'aristocratie devint maîtresse, le peuple ne se borna pas à regretter la monarchie. Il aspira à la restaurer sous une forme nouvelle. En Grèce, pendant le VIe siècle, il réussit généralement à se donner des chefs, ne pouvant pas les appeler rois, parce que ce titre impliquait l'idée de fonction religieuse et ne pouvait être porté que par des familles sacerdotales. Il les appela tyrans. Le nom de roi fut quelquefois laissé à ses chefs populaires, lorsqu'ils descendaient de familles religieuses. Quel que soit le sens originel de ce mot, il est certain qu'il n'était pas emprunté à la langue de la religion. On ne pouvait pas l'appliquer aux dieux, comme on faisait du mot roi. On ne le prononçait pas dans les prières. Il désignait en effet quelque chose de très nouveau parmi les hommes, une autorité qui ne dérivait pas du culte, un pouvoir que la religion n'avait pas établi. L'apparition de ce mot dans la langue grecque marque l'apparition d'un principe que les générations précédentes n'avaient pas connu, l'obéissance de l'homme à l'homme. Jusque-là, il n'y avait eu d'autres chefs d'État que ceux qui étaient les chefs de la religion. Ceux-là seuls commandaient à la cité, qui faisait le sacrifice et invoquait les dieux pour elle. En leur obéissant, on n'obéissait qu'à la loi religieuse, et on ne faisait acte de soumission qu'à la divinité. L'obéissance à un homme, l'autorité donnée à cet homme par d'autres hommes, un pouvoir d'origine et de nature toute humaine, cela avait été inconnu aux anciens eupatrides, et cela ne fut conçu que le jour où les classes inférieures rejetèrent le joug de l'aristocratie et cherchèrent un gouvernement nouveau. Citons quelques exemples. À Corinthe, le peuple supportait avec peine la domination des Bacchides. Cypselus, témoin de la haine qu'on leur portait, et voyant que le peuple cherchait un chef pour le conduire à l'affranchissement, s'offrit à être ce chef. Le peuple l'accepta, le fit tyran, chassa les Bacchides et obéit à Cypselus. Milet eut pour tyran un certain Thrasybule. Mytilène obéit à Pittacus. Samos à Polycrate. Nous trouvons des tyrans à Argos, à Épidaure, à Mégare au VIe siècle. Sicyone en a eu durant 130 ans, sans interruption. Parmi les Grecs d'Italie, on voit des tyrans à Cumes, à Crotone, à Sybaris, partout. À Syracuse, en 485, la classe inférieure se rendit maîtresse de la ville et chassa la classe aristocratique. Mais elle ne put ni se maintenir, ni se gouverner, et au bout d'une année, elle dut se donner un tyran. Partout, ces tyrans, avec plus ou moins de violence, avaient la même politique. Un tyran de Corinthe demandait un jour à un tyran de Milet des conseils sur le gouvernement. Celui-ci, pour toute réponse, coupa les épis de blé qui dépassaient les autres. Ainsi, leur règle de conduite était d'abattre les hautes têtes et de frapper l'aristocratie en s'appuyant sur le peuple. La plèbe romaine forma d'abord des complots pour établir Tarquin. Elle essaya ensuite de faire des tyrans et jeta les yeux tour à tour sur Publicola, sur Spurius Cassius, sur Manlius. L'accusation que le patricia adresse si souvent à ceux des siens qui se rendent populaires ne doit pas être une pure calomnie. La crainte des grands atteste les désirs de la plèbe. Mais il faut bien noter que si le peuple en Grèce et à Rome cherchait à relever la monarchie, ce n'était pas par un véritable attachement à ce régime. Il aimait moins les tyrans qu'il ne détestait l'aristocratie. La monarchie était pour lui un moyen de vaincre et de se venger. Mais jamais ce gouvernement, qui n'était issu que du droit de la force et ne reposait sur aucune tradition sacrée, n'eut de racine dans le cœur des populations. On se donnait un tyran pour le besoin de la lutte. On lui laissait ensuite le pouvoir par reconnaissance ou par nécessité. Mais lorsque quelques années s'étaient écoulées et que le souvenir de la dure oligarchie s'était effacé, on laissait tomber le tyran. Ce gouvernement n'eut jamais l'affection des Grecs. Ils ne l'acceptèrent que comme une ressource momentanée et en attendant que le parti populaire trouvât un régime meilleur et se sentît la force de se gouverner lui-même. La classe inférieure grandit peu à peu. Il y a des progrès qui s'accomplissent obscurément et qui pourtant décident de l'avenir d'une classe et transforment une société. Vers le VIe siècle avant notre ère, la Grèce et l'Italie virent jaillir une nouvelle source de richesse. La terre ne suffisait plus à tous les besoins de l'homme. Les goûts se portaient vers le beau et vers le luxe. Même les arts naissaient. Alors l'industrie et le commerce devinrent nécessaires. Il se forma peu à peu une richesse mobilière. On frappa des monnaies, l'argent parut. Or l'apparition de l'argent était une grande révolution. L'argent n'était pas soumis aux mêmes conditions de propriété que la terre. Il était, suivant l'expression du jurisconsulte, « res nec mancipi ». Il pouvait passer de main en main, sans aucune formalité religieuse, et arriver sans obstacle aux plébéiens. La religion, qui avait marqué le sol de son empreinte, ne pouvait rien sur l'argent. Les hommes des classes inférieures connurent alors une autre occupation que celle de cultiver la terre. Il y eut des artisans, des navigateurs, des chefs d'industrie, des commerçants. Bientôt, il y eut des riches parmi eux, singulière nouveauté. Auparavant, les chefs des gentes pouvaient seuls être propriétaires. Et voici d'anciens clients ou des plébéiens qui sont riches et qui étalent leur opulence. Puis le luxe qui enrichissait l'homme du peuple appauvrissait le patride. Dans beaucoup de cités, notamment à Athènes, on vit une partie des membres du corps aristocratique tomber dans la misère. Or, dans une société où la richesse se déplace, les rangs sont bien près d'être renversés. Une autre conséquence de ce changement fut que dans le peuple même, des distinctions et des rangs s'établirent, comme il en faut dans toute société humaine. Quelques familles furent en vue. quelques noms grandirent peu à peu. Il se forma dans le peuple une sorte d'aristocratie. Ce n'était pas un mal. Le peuple cessa d'être une masse confuse et commença à ressembler à un corps constitué. Ayant des rangs en lui, il put se donner des chefs, sans plus avoir besoin de prendre parmi les patriciens le premier ambitieux venu qui voulait régner. Cette aristocratie plébéienne eut bientôt les qualités qui accompagnent ordinairement la richesse acquise par le travail, c'est-à-dire le sentiment de la valeur personnelle, l'amour d'une liberté calme et cet esprit de sagesse qui, en souhaitant les améliorations, redoute les aventures. La plèbe se laissa guider par cette élite qu'elle fut fière d'avoir en elle. Elle renonça à avoir des tyrans dès qu'elle sentit qu'elle possédait dans son sein les éléments d'un gouvernement meilleur. Enfin, la richesse devint pour quelque temps, comme nous le verrons tout à l'heure, un principe d'organisation sociale. Il y a encore un changement dont il faut parler, car il aida fortement la classe inférieure à grandir. C'est celui qui s'opéra dans l'art militaire. Dans les premiers siècles de l'histoire des cités, la force des armées était dans la cavalerie. Le véritable guerrier était celui qui combattait sur un char ou à cheval. Le fantassin, peu utile au combat, était peu estimé. Aussi l'ancienne aristocratie s'était-elle réservée partout le droit de combattre à cheval. Même dans quelques villes, les nobles se donnaient le titre de chevalier. Les scélérès de Romulus, les chevaliers romains des premiers siècles, étaient tous des patriciens. Chez les anciens, la cavalerie fut toujours l'arme noble, mais peu à peu l'infanterie prit quelque importance. Le progrès dans la fabrication des armes et la naissance de la discipline lui permirent de résister à la cavalerie. Ce point obtenu, elle prit aussitôt le premier rang dans les batailles, car elle était plus maniable et ses manœuvres plus faciles. Les légionnaires, les hoplites, furent dorénavant la force des armées. Or, les légionnaires et les hoplites étaient des plébéiens. Ajoutez que la marine prit de l'extension, surtout en Grèce, qu'il y eut des batailles sur mer et que le destin d'une cité fut souvent entre les mains de ses rameurs, c'est-à-dire des plébéiens. Or, la classe, qui est assez forte pour défendre une société, l'est assez pour y conquérir des droits et y exercer une légitime influence. L'état social et politique d'une nation est toujours en rapport avec la nature et la composition de ses armées. Enfin, la classe inférieure réussit à avoir elle aussi sa religion. Ces hommes avaient dans le cœur, on peut le supposer, ce sentiment religieux qui est inséparable de notre nature et qui nous fait un besoin de l'adoration et de la prière. Ils souffraient donc de se voir écartés de la religion par l'antique principe qui prescrivait que chaque dieu appartient à une famille et que le droit de prier ne se transmet qu'avec le sang. Ils travaillèrent à avoir aussi un culte. Il est impossible d'entrer ici dans le détail des efforts qu'ils firent, des moyens qu'ils imaginèrent, des difficultés ou des ressources qui se présentèrent à eux. Ce travail, longtemps individuel, fut longtemps le secret de chaque intelligence. Nous n'en pouvons apercevoir que les résultats. Tantôt une famille plébéienne se fit un foyer, soit qu'elle eût osé l'allumer elle-même, soit qu'elle se fût procuré d'ailleurs le feu sacré. Alors elle eut son culte, son sanctuaire, sa divinité protectrice, son sacerdoce, à l'image de la famille patricienne. Tantôt le plébéien, sans avoir de culte domestique, eut accès au temple de la cité. À Rome, ceux qui n'avaient pas de foyer, par conséquent pas de fête domestique, offraient leur sacrifice annuel au dieu Quirinus. Quand la classe supérieure persistait à écarter de ses temples la classe inférieure, celle-ci se faisait des temples pour elle. À Rome, elle en avait un sur l'Aventin, qui était consacré à Dania. Elle avait le temple de la pudeur plébéienne. Les cultes orientaux, qui à partir du VIe siècle envahirent la Grèce et l'Italie, furent accueillis avec empressement par la plèbe. C'étaient des cultes qui, comme le bouddhisme, ne faisaient exception ni de caste ni de peuple. Souvent, enfin, on vit la plèbe se faire des objets sacrés, analogues aux dieux des curies et des tribus patriciennes. Ainsi, le roi Servius éleva un autel dans chaque quartier pour que la multitude eût l'occasion de faire des sacrifices. De même, les Pisistratides dressèrent des Hermès dans les rues et sur les places d'Athènes. Ce furent là les dieux de la démocratie. La plèbe, autrefois foule sans culte, eut dorénavant ses cérémonies religieuses et ses fêtes. Elle put prier. c'était beaucoup dans une société où la religion faisait la dignité de l'homme. Une fois que la classe inférieure eut achevé ses différents progrès, quand il eut en elle des riches, des soldats, des prêtres, quand elle eut tout ce qui donna à l'homme le sentiment de sa valeur et de sa force, quand enfin elle eut obligé la classe supérieure à la compter pour quelque chose, il fut alors impossible de la retenir en dehors de la vie sociale et politique, et la cité ne put pas lui rester fermée plus longtemps. L'entrée de cette classe inférieure dans la cité est une révolution qui, du 7e au 5e siècle, a rempli l'histoire de la Grèce et de l'Italie. Les efforts du peuple ont eu partout la victoire, mais non pas partout de la même manière, ni par les mêmes moyens. Ici, le peuple, dès qu'il s'est senti fort, s'est insurgé. Les armes à la main, il a forcé les portes de la ville, où il lui était interdit d'habiter. Une fois devenu le maître, où il a chassé les grands et a occupé leurs maisons, où il s'est contenté de décréter l'égalité des droits. C'est ce qu'on vit à Syracuse, à Érythrée, à Milet. Là, au contraire, le peuple a usé de moyens moins violents. Sans lutte, à main armée, par la seule force morale que lui avaient donné ses derniers progrès, il a contraint les grands à faire des concessions. On a nommé alors un législateur et la constitution a été changée. C'est ce qu'on vit à Athènes. Ailleurs, la classe inférieure, sans secousse et sans bouleversement, arriva par degrés à son but. Ainsi, à Cumès, le nombre des membres de la cité, d'abord très restreint, s'accrut une première fois, par l'admission de ceux du peuple qui étaient assez riches pour nourrir un cheval. Plus tard, on éleva jusqu'à 1000 le nombre des citoyens, et l'on arriva enfin, peu à peu, à la démocratie. Dans quelques villes, l'admission de la plèbe parmi les citoyens fut l'œuvre des rois. Il en fut ainsi à Rome. Dans d'autres, elle fut l'œuvre des tyrans populaires. C'est ce qui eut lieu à Corinthe, à Sicyone, à Arcos. Quand l'aristocratie reprit le dessus, elle eut ordinairement la sagesse de laisser à la classe inférieure ce titre de citoyen que les rois ou les tyrans lui avaient donné. À Samos, l'aristocratie ne vint à bout de sa lutte contre les tyrans qu'en affranchissant les plus basses classes. Il serait trop long d'énumérer toutes les formes diverses sous lesquelles cette grande révolution s'est accomplie. Le résultat a été partout le même. La classe inférieure a pénétré dans la cité et a fait partie du corps politique. Le poète Théognis nous donne une idée assez nette de cette révolution et de ses conséquences. Il nous dit que dans Mégare, sa patrie, il y a deux sortes d'hommes. Il appelle l'une la classe des bons, grecque agotoi, c'est en effet le nom qu'elle se donnait dans la plupart des villes grecques. Il appelle l'autre la classe des mauvais, en grec kakoi. C'est encore de ce nom qu'il était usage de désigner la classe inférieure. Cette classe, le poète nous décrit sa condition ancienne. Elle ne connaissait autrefois ni les tribunaux, ni les lois. C'est assez dire qu'elle n'avait pas le droit de citer. Il n'était même pas permis à ses hommes d'approcher de la ville. Ils vivaient en dehors comme des bêtes sauvages. Ils n'assistaient pas aux repas religieux. Ils n'avaient pas le droit de se marier dans les familles des bons. Mais que tout cela ait changé. Les rangs ont été bouleversés. Les mauvais ont été mis au-dessus des bons. La justice est troublée. Les antiques lois ne sont plus, et des lois d'une nouveauté étrange les ont remplacées. La richesse est devenue l'unique objet des désirs des hommes, parce qu'elle donne la puissance. L'homme de race noble épouse la fille du riche plébéien, et le mariage confond les races. Théognis, qui sort d'une famille aristocratique, a vraiment essayé de résister au cours des choses. Condamné à l'exil, dépouillé de ses biens, il n'a plus que ses vers pour protester et pour combattre. Mais s'il n'espère pas le succès, du moins il ne doute pas de la justice de sa cause. Il accepte la défaite, mais il garde le sentiment de son droit. À ses yeux, la révolution qui s'est faite est un mal moral, un crime. Fils de l'aristocratie, il lui semble que cette révolution n'a pour elle ni la justice ni les dieux, et qu'elle porte atteinte à la religion. Les dieux, dit-il, l'ont quitté la terre. Nul ne les craint. La race des hommes pieux a disparu. On n'a plus souci des immortels. Mais ses regrets sont inutiles, il le sait bien. S'il gémit ainsi, c'est par une sorte de devoir pieux. C'est parce qu'il a reçu des anciens la tradition sainte et qu'il doit la perpétuer. Mais en vain, la tradition même va se flétrir. Les fils des nobles vont oublier leur noblesse. Bientôt, on les verra tous s'unir par le mariage aux familles plébéiennes. Ils boiront à leurs fêtes et mangeront à leur table. Ils adopteront bientôt leurs sentiments. Au temps de Théognis, le regret est tout ce qui reste à l'aristocratie grecque, et ce regret même va disparaître. En effet, après Théognis, la noblesse ne fut plus qu'un souvenir. Les grandes familles continuèrent à garder pieusement le culte domestique et la mémoire des ancêtres, mais ce fut tout. Il y eut encore des hommes qui s'amusèrent à compter leurs aïeux, mais on riait de ces hommes. On garda l'usage d'inscrire sur quelques tombes que le mort était de noble race, mais nulle tentative ne fut faite pour lever un régime à jamais tombé. Isocrate dit avec vérité que de son temps les grandes familles d'Athènes n'existaient plus que dans leurs tombeaux. Ainsi la cité ancienne s'était transformée par degrés. À l'origine, elle était l'association d'une centaine de chefs de famille. Plus tard, le nombre des citoyens s'accrut, parce que les branches cadettes obtinrent l'égalité. Plus tard encore, les clients affranchis, la plèbe, toute cette foule qui pendant des siècles était restée en dehors de l'association religieuse et politique, quelquefois même en dehors de l'enceinte sacrée de la ville, renversa les barrières qu'on lui opposait et pénétra dans la cité, où aussitôt elle fut maîtresse. Deuxièmement, histoire de cette révolution à Athènes. Les Eupatrides, après le renversement de la royauté, gouvernèrent Athènes pendant 4 siècles. Sur cette longue domination, l'histoire est muette. On n'en sait qu'une chose, c'est qu'elle fut odieuse aux classes inférieures et que le peuple fit effort pour sortir de ce régime. L'an 598, le mécontentement que l'on voyait général et les signes certains qui annonçaient une révolution prochaine éveillèrent l'ambition d'un Eupatride, Cylon, qui songea à renverser le gouvernement de sa caste et à se faire tyran populaire. L'énergie des archontes fit avorter l'entreprise, mais l'agitation continua après lui. En vain, les Eupatrides mirent en usage toutes les ressources de leur religion. En vain, ils dirent que les dieux étaient irrités et que des spectres apparaissaient. En vain, ils purifièrent la ville de tous les crimes du peuple et élevèrent 2 autels à la violence et à l'insolence pour apaiser ces 2 divinités dont l'influence maligne avait troublé les esprits. Tout cela ne servit de rien. Les sentiments de haine ne furent pas adoucis. On fit venir de Crète le pieux Épiménide, personnage mystérieux qu'on disait fils d'une déesse. On lui fit accomplir une série de cérémonies expiatoires. On espérait, en frappant ainsi l'imagination du peuple, raviver la religion et fortifier, par conséquent, l'aristocratie. Mais le peuple ne s'émut pas. La religion des Eupatrides n'avait plus de prestige sur son âme. Il persista à réclamer des réformes. Pendant 13 années encore, l'opposition farouche des pauvres de la montagne et l'opposition patiente des riches du rivage firent une rude guerre aux Eupatrides. À la fin, tout ce qu'il y avait de sage dans les 3 parties s'entendit pour confier à Solon le soin de terminer ses querelles et de prévenir des malheurs plus grands. Solon avait la rare fortune d'appartenir à la fois aux Eupatrides par sa naissance et aux commerçants par les occupations de sa jeunesse. Ses poésies nous le montrent comme un homme tout à fait dégagé des préjugés de sa caste. Par son esprit conciliant, par son goût pour la richesse et pour le luxe, par son amour du plaisir, il est fort éloigné des anciens Eupatrides, et il appartient à la nouvelle Athènes. Nous avons dit plus haut que Solon commença par affranchir la terre de la vieille domination que la religion des familles Eupatrides avait exercée sur elle. Il brisa les chaînes de la clientèle. Un tel changement dans l'état social en entraînait un autre, dans l'ordre politique. Il fallait que les classes inférieures eussent désormais, suivant l'expression de Solon lui-même, un bouclier pour défendre leur liberté récente. Ce bouclier, c'était des droits politiques. Il s'en faut beaucoup que la constitution de Solon nous soit clairement connue. Il paraît du moins que tous les Athéniens firent désormais partie de l'assemblée du peuple et que le Sénat ne fut plus composé des seuls Eupatrides. Il paraît même que les archontes purent être élus en dehors de l'ancienne caste sacerdotale. Ces graves innovations renversaient toutes les anciennes règles de la cité. Suffrage, magistrature, sacerdoce, direction de la société, il fallait que l'Eupatride partageât tout cela avec l'homme de la caste inférieure. Dans la constitution nouvelle, il n'était tenu aucun compte des droits de la naissance. Il y avait encore des classes, mais elles n'étaient plus distinguées que par la richesse. Dès lors, la domination des Eupatrides disparut. L'Eupatride ne fut plus rien, à moins qu'il ne fût riche. Il valut par sa richesse, et non pas par sa naissance. Désormais, le poète put dire Dans la pauvreté, l'homme noble n'est plus rien. Et le peuple applaudit au théâtre cette boutade du comique. De quelle naissance est cet homme? Riches, ce sont là aujourd'hui les nobles. Le régime qui s'était ainsi fondé avait deux sortes d'ennemis. Les eupatrides qui regrettaient leurs privilèges perdus et les pauvres qui souffraient encore de l'inégalité. À peine Solon avait-il achevé son œuvre que l'agitation recommença. Les pauvres se montrèrent, dit Plutarque, les âpres ennemis des riches. Le gouvernement nouveau leur déplaisait peut-être autant que celui des eupatrides. D'ailleurs, en voyant que les eupatrides pouvaient encore être archontes et sénateurs, beaucoup s'imaginaient que la révolution n'avait pas été complète. Solon avait maintenu les formes républicaines. Or, le peuple avait encore une haine irréfléchie contre ces formes de gouvernement sous lesquelles il n'avait vu, pendant 4 siècles, que le règne de l'aristocratie. Suivant l'exemple de beaucoup de cités grecques, il voulut un tyran. Pisistrate, issu des eupatrides, mais poursuivant un but d'ambition personnelle, promit aux pauvres un partage des terres, et se les attacha. Un jour il parut dans l'assemblée, et prétendant qu'on l'avait blessé, il demanda qu'on lui donnât une garde. Les hommes des premières classes allaient lui répondre et dévoiler le mensonge, mais la populace était prête à en venir aux mains pour soutenir Pisistrate. Ce que voyant, les riches s'envoyèrent en désordre. Ainsi, l'un des premiers actes de l'assemblée populaire, récemment instituée, fut d'aider un homme à se rendre maître de la patrie. Il ne paraît pas d'ailleurs que le règne de Pisistrate ait apporté aucune entrave au développement des destinées d'Athènes. Il eut au contraire pour principal effet d'assurer et de garantir contre une réaction la grande réforme sociale et politique qui venait de s'opérer. Les eupatrides ne s'en relevèrent jamais. Le peuple ne se montra guère désireux de reprendre sa liberté. 2 fois la coalition des grands et des riches renversa Pisistrate. 2 fois il reprit le pouvoir, et ses fils gouvernèrent, Athènes après lui. Il fallut l'intervention d'une armée spartiate dans l'Attique pour faire cesser la domination de cette famille. L'ancienne aristocratie eut un moment l'espoir de profiter de la chute des Pisistratides pour ressaisir ses privilèges. Non seulement elle n'y réussit pas, mais elle reçut même le plus rude coup qui lui eût encore été porté. Clisthène, qui était issu de cette classe, mais d'une famille que cette classe couvrait d'opprobre et semblait renier depuis 3 générations, trouva le plus sûr moyen de lui ôter à jamais ce qui lui restait encore de force. Solon, en changeant la constitution politique, avait laissé subsister toute la vieille organisation religieuse de la société athénienne. La population restait partagée en 200 ou 300 gentes, en 12 fratries, en 4 tribus. Dans chacun de ces groupes, il y avait encore, comme dans l'époque précédente, un culte héréditaire, un prêtre qui était un eupatride, un chef qui était le même que le prêtre. Tout cela était le reste d'un passé qui avait peine à disparaître. Par là, les traditions, les usages, les règles, les distinctions qu'il y avait eues dans l'ancien état social se perpétuaient. Ces cadres avaient été établis par la religion. Et ils maintenaient à leur tour la religion, c'est-à-dire la puissance des grandes familles. Il y avait dans chacun de ces cadres 2 classes d'hommes. D'une part les eupatrides qui possédaient héréditairement le sacerdoce et l'autorité, de l'autre les hommes d'une condition inférieure, qui n'étaient plus serviteurs ni clients, mais qui étaient encore retenus sous l'autorité de l'eupatride par la religion. En vain la loi de Solon disait que tous les Athéniens étaient libres. La vieille religion saisissait l'homme au sortir de l'assemblée, où il avait librement voté, et lui disait « Tu es lié à un eupatride par le culte, tu lui dois le respect ». Déférence, soumission. Comme membre d'une cité, Solon t'a fait libre, mais comme membre d'une tribu, tu obéis à un eupatride. Comme membre d'une fratrie, tu as encore un eupatride pour chef. Dans la famille même, dans la gens, où tes ancêtres sont nés et dont tu ne peux pas sortir, tu retrouves encore l'autorité d'un eupatride. À quoi servait-il que la loi politique eût fait de cet homme un citoyen, si la religion et les mœurs persistaient à en faire un client? Il est vrai que depuis plusieurs générations, beaucoup d'hommes se trouvaient en dehors de ces cadres, soit qu'ils fussent venus de pays étrangers, soit qu'ils se fussent échappés de la gens et de la tribu pour être libres. Mais ces hommes souffraient d'une autre manière. Ils se trouvaient dans un état d'infériorité morale vis-à-vis des autres hommes, et une sorte d'ignominie s'attachait à leur indépendance. Il y avait donc, après la réforme politique de Solon, une autre réforme à opérer dans le domaine de la religion. Clisthène l'accomplit en supprimant les quatre anciennes tribus religieuses et en les remplaçant par 10 tribus qui étaient partagées en un certain nombre d'œdèmes.